L'usine jusqu'à la vie, nos disciples ont bien appris. L'usine jusqu'à la vie, nos disciples ont bien appris. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. Prends tes jambes à ton cou quand t'as sec t'es dans le secteur. Voici les plus douces pour réside, un véritable emmerdeur. J'ai traîné une idée que j'ai laissé tomber par terre. Ils exagèrent à vouloir acheter la merde que je déblatère. Pousse-moi. Une bande de narvals, on s'approprie le micro. J'fais mon texte le plus pété. Toi tu trouves ça fait richeau. J'suis schizo, mais toutes les parties de moi-même sont toutes d'accord. Je ne chanterai pas de balade, non, j'suis hardcore jusqu'à la mort. Dans l'oreille que j'te perce le tympan d'un coup de ciseau. J'ai pris de la folie dans vos hôpitaux. Hé, adolescent, j'écoutais pas de musique d'adolescent. Fais le fou, mais toi adolescent, regarde, y'a du bon adolescent. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. Sur la tête des petits, toujours les mêmes qui foutent la merde. Ouais, roule inter et je baisse les schmitts sur père et mère que je perce le beat. Si tu me croises avec un sable, sache que je ne vais pas faire d'escrime. Je fais de la musique animale, ouais, demande à certaines filles. Je reste hostile, les antennes villes se rappellent de nos passages. Des gros titres, la fontaine se vide, trop de flots dans les parages. J'écoute ton rap de victime, on direct enregistre à plafond. J'arrive dans le freestyle, la bite apparente, tu te casses la nuque sur le son. Une pendaison comme Notre-Dame de Paris, je vois le public prendre feu sans raison. À deux pas du périph, à deux phrases de fer. Pire, faut pas que j'arrête la musique, je suis à deux doigts de la faire. Tous les jours, je suis à deux doigts d'en laisser un par terre. Je crois en Dieu, je crois en Lucifer. Laisse-les parler, laisse-les commis-faire. L'usine, on va le faire. La bite est longue pour les satisfaire. On veut le monde dans les mains de nos mères. Poto, je suis là si ça dégénère. Je connais pas le dictionnaire. Je pars en mission, elle aime le missionnaire. Tu casses les couilles avec des crises de nerfs. Quand je réfléchis, les femmes sont bipolaires. Échec scolaire, et si je suis pas MC Solar, je vide le compte à Caroline. Je suis un ancien petit zonard. Je connais ma ville, je connais bien Tchéka. Je connais les bons, je connais les petits bâtards. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. L'usine, bouge ta tête d'avant en arrière. L'usine, fous la merde sur la vie de ma mère. Balance un son sale, monumental. Arrêtez les boniments, je le dis poliment. Ils sont tous de connivence. On se dit c'est déjà foutu quand on y pense. Foutu pour foutu, autant qu'on avance. Je lève mon verre au temps perdu. C'est le meilleur d'entre tous. Arrête de bomber le torse, t'es plus un jeune. Pousse tous dans le run, mais je m'en balèque. Tant qu'il y a de la peu dans le blunt. Mais c'est quand que ça s'arrête. Never never yet, je traverserai le siècle. Dépasserai l'élève et le maître. La réussite et l'échec, jusqu'ici rien d'anormal. Avec le temps tout soustrait. C'est regrettable, j'ai mal au crâne. J'fume trop de crème, on récolte ce qu'on sème. À la ça sème, la salle saigne. J'me baigne.